quelque part, presque nulle part, une flamme du ciel est froide. Là-bas, où est dans la nuit une lame de pluie, a réveillé une danse de cadre. Là-bas, dans l'eau, silence des pas, presque nulle part, il n'y a personne, pas une âme. Là-bas, que des animaux, les fleurs et les oiseaux, juste la nature. Midi blanc écrit ses vers. Là-bas et très lentement dans l'univers. Là-bas le jour n'a pas encore été. Là-bas ton cœur dort, il est sauvé. Quelque part, presque nulle part, un tournoiement de l'âme l'expire. Là-bas, entre deux rivières, dans un courant d'air et des herbes le miel respire. Là-bas, silence des pas, presque nulle part, il n'y a personne, pas une âme. Là-bas, que des animaux, les fleurs et les oiseaux, juste la nature. Perdu au centre de l'île, là-bas les ris fleuris, la camomille, là-bas est l'âme légère de floraison. Nulle part.